franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie, Jacques Chancel. François Sagan. François Sagan, on ne sait plus avec vous où commence la femme et où s'arrête la romancière. Tout est venu si vite et si tôt que l'on s'est pris à vous accepter sans discussion aucune. Votre entrée en littérature fut une agression. Votre obstination à vouloir durer ressemblait à un pari. Or, ce pari, vous l'avez gagné, et tout le monde admet aujourd'hui que la finalité de vos intentions est parfaitement recevable. François Sagan, je me plais à remarquer que vous avez un certain génie des titres. Bonjour tristesse, un certain sourire, dans un mois, dans un an, aimez-vous Brahms, les merveilleux nuages, le garde du cœur. Aujourd'hui, vous penchez pour un titre plus long, c'est-à-dire différent. Et cela pour bien marquer que vous amorcez un virage. Votre dernier livre s'inscrit sous ce label « Un peu de soleil dans l'eau froide ». Il paraît chez Flammarion. François Sagan, vous avez un passé, une œuvre, une célébrité, je dirais presque une légende. Vous avez construit une pyramide à un âge où la plupart des romanciers plantent leur première plume à l'âge où ils font leur début. Ma première question est toute simple. Tout cela, est-ce un hasard? Non, c'est jamais un hasard si on a envie d'écrire, si on aime ça, et si on continue à le faire par la foi, passion et habitude. C'est pas un hasard. C'est une injustice? Non, c'est une espèce de fatalité double. Mais votre chance, François Sagan, n'est-elle pas un peu insolente? On peut très bien avoir une chance insolente au jeu aussi. Il y a mille manières d'être insolent au point de vue chance. La chance que j'ai eue, c'est effectivement de commencer très tôt à... Comment dit-on? À réussir, si réussir veut dire grand-chose. C'est le mot, en tout cas. Oui, enfin, c'est le mot qu'on emploie actuellement. Et puis, la seconde chance, c'est que les gens... On a bien suivi ce que je faisais. Et la troisième chance, c'est que j'aime ça. Travailler, vais-je dire. Aujourd'hui, il y a un univers, Sagan. Mais est-ce vraiment le vôtre? Si l'univers dont vous parlez est celui de mes livres, c'est forcément le mien, parce que je ne peux jamais écrire que ce que j'écris. Si vous parlez de l'univers qu'on me prête souvent, il y aurait des petites choses à rectifier, mais sans gravité. François Sagan, il serait temps de faire un retour en arrière. On connaît Françoise Sagan, mais au fond, qui était Françoise Quarès? Moi, j'étais absolument la même. J'étais quelqu'un de... comme ça, qui se promène un peu dans la vie. J'avais envie d'écrire des livres. J'écrivais des poèmes très jeunes et très mauvais, d'ailleurs. Et des pièces de théâtre absolument inaudibles et des débuts de romans que je n'arrivais pas à finir. J'ai commencé, je ne sais pas, 12 ans. Vous êtes né où? Je suis née dans le Lot, à Cajar, dans le sud-ouest, et j'ai habité Paris toute ma vie, sauf pendant la guerre où on habitait Lyon. Vous étiez d'une famille aisée? Oui, une famille dite... bourgeoise. Bourgeoise, oui. Vous avez souffert ou ça vous a aidé? Pas du tout, j'avais des parents absolument charmants. Mon père était industriel et ils avaient tous les deux beaucoup d'humour, ils ont d'ailleurs tous les deux beaucoup d'humour toujours, et des gens absolument exquis. Et c'est même probablement grâce à eux que je suis passée gaiement par-dessus les horreurs du succès sans me casser la figure. Vous avez été une jeune fille un peu dissipée, mais quelle petite fille avez-vous été ? C'est pas ça, je ne me rappelle pas. On n'a jamais eu le culte de la personnalité dans ma famille. Je sais que j'étais une enfant facile à vivre, bonne élève. Je me rappelle qu'à 16 ans, je courais sur des Vespa accrochés à des galopins, du courant de mer chez moi, etc. Enfin, c'était une enfance classique. Je rêvais de Saint-Germain-des-Prés et j'y allais de temps en temps, et puis voilà. Vous étiez une bonne élève ? Pas spécialement en mathématiques, mais ça a duré. Mais en français, ça allait assez bien. J'ai passé mes deux bachots, paisiblement, en octobre. Quoi. Vous ne vouliez pas continuer ? Si, j'ai fait. Je voulais faire une licence de lettres parce que je ne savais pas quoi faire de moi-même. J'ai commencé à faire propédeutique à la Sorbonne. Et puis, en même temps, j'écrivais ce livre, enfin le premier. Et puis, ça m'amusait beaucoup plus. C'était déjà surchargé, on ne pouvait même pas suivre les cours. Enfin, c'était déjà la pagaille que c'est maintenant, mais moins fort. Alors, je traînais dans les cafés, j'écrivais mon petit roman avec un stylo, avec un air inspiré, pour impressionner mes camarades de classe. Et puis voilà, puis j'étais recalé somptueusement en juin. Vous y croyez à ce moment-là ? Que j'allais écrire ? Non, que vous alliez réussir. Réussir, je ne savais pas que j'allais écrire, oui. Vous êtes tellement entré maintenant dans cette légende que l'appelle littéraire que l'on ne sait plus si Bonjour Tristesse a été écrit lorsque vous aviez 17 ans ou 18 ans. J'avais 17 ans et demi, je suis née en juin, je vais avoir 17 ans, entre 17 et 18 ans, je crois. Est-ce que le succès vous a changé ? Non. Non, vraiment pas. Enfin, ça va changer ma vie, parce que ça change beaucoup de choses, d'un point de vue purement mode de vie, si vous voulez. Alors, comme votre mode de vie et les circonstances qui vous entourent sont très extrêmement influentes sur votre caractère, ça a dû me changer pas mal. Mais profondément, je crois pas. Vous êtes mariée deux fois. Il y a eu deux divorces, oui. Une réconciliation. Et dans le fond, le mariage, pour vous, est-ce une vocation ? Non, c'est pas une vocation, c'est... Il faut aimer quelqu'un, puis il vous dit, on se marie, on dit bon, on se marie, et puis ça marche ou ça marche pas. Quelle est la place que tient votre fils dans votre vie ? Ah ben, il tient la place que tient un enfant dans la vie d'une femme. C'est à la fois énorme, et par moments, on a envie de lui flanquer des fessées, et puis par moments, on a envie de vivre avec. Et à quel âge maintenant ? C'est Denis, je crois. Denis, oui, là, il va avoir 7 ans. Êtes-vous une bonne mère, Françoise Sagan ? C'est à lui, il faut le demander, c'est pas ? On ne trouve pas chez vous... de traces d'autocritique, vous n'êtes pas pour la contestation, vous vivez dans le fond très simplement, avec vos amis. La contestation aussi, je suis complètement du côté de certains contestataires. Je trouve que la vie que les gens mènent actuellement est une vie effrayante, si vous voulez. Dans la mesure où je peux y couper parce que j'ai les moyens matériels d'être seul, ou de promener seul, ou de partir en vacances, ou de prendre des avions, ou d'échapper tout le temps à cette vie... Moi, j'en souffre pas, mais je considère que les gens ont une vie de chien, ça c'est vrai. Et qu'ils ont bien raison de protester. Vous avez gagné une véritable fortune, Françoise Sagan, mais dans le fond, est-ce que vous ne vivez pas un peu en ce moment au-dessus de vos moyens, comme tout le monde d'ailleurs ? Oh si, tout à fait, je vis tout à fait au-dessus des moyens, j'ai tout claqué, je crois. Enfin, je suis très fréquemment, comment dit-on, en rouge. Criblé de dettes ? Pas mal de dettes, et puis pas d'argent devant moi, puis après ça rentre plus, puis j'ai des bonnes mères, je sais pas. Je m'en occupe pas, rien. Françoise Sagan, est-ce que vous avez une vraie notion du vrai bonheur ? Le bonheur, vous savez, ça peut être tout seul, assis sur un banc, et se dire brusquement, comme je suis heureuse d'exister. Ou ça peut aussi être aimer quelqu'un et lui dire je t'aime, et qu'il vous réponde je t'aime. Ça, c'est aussi une forme de bonheur. Il y en a pas tellement. Françoise Sagan, je vous crois très seule au milieu de tout votre tourbillon, enfin, appelons ça comme ça. Ah non, ça c'est une erreur. Non ? Non, j'ai de très bons amis, Je vis avec des gens qui me plaisent, que j'aime beaucoup. Non, ça, je ne suis pas quelqu'un de seul. Vous avez une grande notion de l'amitié. L'amitié, et puis des aventures, et des histoires. Je m'amuse beaucoup, moi, je n'ai pas le temps de... Qu'est-ce que c'est pour vous, l'aventure ? L'aventure, c'est la rencontre. Une rencontre inattendue, inopinée. Vous la recherchez ou vous l'attendez ? Non, l'aventure, ça ne se cherche pas, ça se trouve. On vous connaît un peu mieux dès ce départ. Comme vous avez choisi ce programme de disque, on va écouter tout de suite Frank Sinatra. Street. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. François Sagan, votre nouveau roman est actuellement en librairie, j'en rappelle le titre, Un peu de soleil dans l'eau froide, et c'est je crois un vers d'Éluard. Oui. Comment choisissez-vous vos titres ? Je choisis toujours au dernier moment par une espèce de hâte forcenée, parce qu'on me dit le titre, là, on met sous presse, etc. C'est toujours au dernier moment, je trouve. Et là, je trouvais aussi vraiment le dernier jour, je crois. Et vous êtes contente de vos titres ? Celui-là, je l'aime bien. Il est un peu plus long que les autres, mais comme le livre est un peu plus long que les autres aussi, ça tombe bien. Combien de pages ? 247, je crois. Je sais pas quel. Oui, c'est un phénomène pour moi. C'est important pour vous, 247 pages ? C'est gigantesque, oui. Non, 249. Vous vous rendez compte, je suis presque arrivé aux 250. Votre héros, Gilles, a 30 ans. D'après vous, il est déprimé, égoïste, sceptique et décati. Décati, non. Non ? Oh non, il est bel homme. Oui, mais enfin, quand même, il a passé la trentaine. Il a 30 ans, mais il n'est plus comme à 20 ans. Il est toujours beau. Mais vous lui reprochez quand même quelque chose. Oh, physiquement, je ne reproche rien. Je lui reproche moralement pas mal de choses, mais pas physiquement. Mais beaucoup de journalistes ont dû se reconnaître dans ce personnage. Il y a beaucoup d'hommes qui se reconnaissent dans ce personnage. Beaucoup d'hommes qui font un peu ce métier. Je voudrais quand même rappeler un peu la présentation du personnage. À 35 ans, c'est vous, François Sagan, qui écrivez, c'est votre livre. À 35 ans, il était encore beau. Cet encore tenait au fait qu'il avait été d'une rare beauté à 20 ans, beauté dont il n'avait jamais eu conscience d'ailleurs, mais dont il s'était joyeusement servi, et qui avait indistinctement fait envie longtemps aux femmes comme aux hommes, ces derniers en vain. Toute la présentation du personnage est là, à votre avis ? Oh non, merci, la présentation du personnage est tout au long du livre. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter ? J'ai voulu raconter l'histoire d'un homme qui est malheureux, qui tombe sur une femme qui l'aide à vivre, et que lui-même finit par empêcher de vivre. Il est victime d'une dépression nerveuse. Au départ, oui. Donc il quitte Paris, il part pour la province. Il part pour la province, chez sa sœur, et pour se reposer. Il est aussi malheureux là-bas qu'à Paris. Il rencontre une femme qui tombe amoureuse de lui et qui lui donne de nouveau le goût de vivre. Il la ramène à Paris et peu à peu, par sa propre nature, il l'amène à... au pire, enfin, à se détacher d'elle-même, de lui-même, de leur amour et à se tuer. Et à la fin, c'est une fin normale pour vous ? Bah, c'est pas la mort est une fin normale en soi, mais là, elle est un petit peu jeune. Est-ce que vous croyez au coup de foudre ? Je sais que ça existe. Personnellement, je ne suis pas très sujette, mais je sais que ça existe. Vous êtes pour les gros tirages et vous êtes attiré par eux? Je sais pas, ça veut dire grand-chose. Je préfère que les gens lisent et l'aiment. Si les gens l'aiment, ils le lisent. S'ils le lisent, ils sont nombreux à le lire, c'est tout. Est-ce que votre vie n'a pas été un peu orientée justement par ces gros tirages? Non. Quand on écrit vraiment pour soi, il n'y a rien à faire. Il faut vraiment être maniaque pour écrire en pensant que va dire un tel ou que va dire, la libraire ou que va dire l'éditeur. On peut pas. Oui, mais lorsque vous écrivez, quand même, vous pensez à vos ennemis? Non, pas du tout. Je pense strictement à rien. Je pense aux gens, où est-ce qu'ils peuvent aller, qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle peut répondre, qu'est-ce qui va arriver. Je sais même pas ce qui va arriver. Est-ce que vous vous prenez pour une vraie romancière? C'est une question... Oui. Vous avez raison, d'ailleurs. Merci. Si un jour, par exemple, vos livres n'étaient plus tirés qu'à 3000 exemplaires, votre vie deviendrait comment? Ma vie deviendrait plus modeste matériellement. Et moralement? Moralement, ça ne change rien. Si le livre que j'ai écrit est meilleur que maintenant, et même s'il est moins lu, ça ne fait rien. Vous avez besoin du luxe? Je ne crois pas, sincèrement. J'ai habitué à un certain mode de vie facile, mais c'est vraiment égal. J'aime pas les objets, j'aime pas les choses à moi, ça m'est indifférent. Tout à l'heure, je disais que vous étiez marié deux fois, qu'il y avait deux divorces, mais est-ce que vous seriez prêt pour un troisième mariage ou pour une nouvelle aventure? On est toujours prête pour ça. C'est la condition d'une femme? Je crois que c'est la condition d'un poquille d'humain un peu vivant. Vous aimez la vie? Ah oui, beaucoup. J'ai un faible. Vous la voyez comment, cette vie? À venir ou passer, ou quoi? En général. Avenir, je sais pas, je sais pas ce qui va se passer, il va sûrement arriver plein de choses, et puis je vais me retrouver à, je sais pas, dans 10 ans, 15 ans, je sais pas, peut-être un peu lassé des aventures, de ce qu'on appelle la vie, et puis j'aurai toujours ce métier que j'adore, et puis voilà. Every day he sent a little present, just to let me know how very much he cared. Wrote a little love note with each present, but to fall in love had me a little scared. My poor worried heart was so uncertain, shall I fall or shall I let it be? Then he sent a dozen yellow roses, and that somehow just turned a trick for me. Roses, roses, roses, I think of the roses that bloom in the spring. Love is a wonderful thing. Of my life, he will bring me roses and roses and roses of love. Love is a Sagan, est-ce que vous êtes consciente du succès que vous avez eu? Oui, on me l'a assez reproché pour que je le connaisse. Ça vous a peiné qu'on vous le reproche? Non, classique, c'est même normal. De toute manière, on ne vous a pas reproché votre succès. Oh si, beaucoup de gens. On a reproché les prolongements du succès, c'est-à-dire les voitures rapides. On vous a même reproché un accident, ce qui était quand même un peu excessif. Non, c'est-à-dire, Comme on ne peut pas reprocher un succès, on ne peut pas reprocher à un public d'acheter tant d'exemplaires de livres, on cherche après à s'attaquer à la personnalité propre de quelqu'un. On ne s'attaque plus du tout à son œuvre, on s'attaque à la personne elle-même. Alors le whisky, les voitures, je ne sais plus quelles âneries, c'était l'occasion de me tomber dessus, mais en fait le reproche était de la réussite, je crois. Est-ce que vous êtes sensible à tout ce que l'on peut dire de vous ? J'ai été très sensibilisée à ça quand j'avais 19 ans, parce que je trouvais ça extrêmement mal élevé, très grossier, et complètement hors de propos, si vous voulez. Je ne comprenais pas pourquoi on parlait de moi et pas de mes livres, enfin, pourquoi on s'attaquait à moi. Et puis maintenant, ça m'est indifférent, mais alors d'une manière suprême. Je peux me faire traîner dans la boue par n'importe quel journal, ça m'est une indifférence totale. Simplement, ça vous gênerait que quelques amis pensent du mal de vous ? Ça m'ennuierait que des amis à moi me disent que tu as fait un très mauvais livre, ou tu as fait quelque chose de dégoûtant hier à un tel, ou etc. Vous acceptez la critique ? De certains amis, oui. Des critiques eux-mêmes ? De certains critiques, très peu à Paris d'ailleurs, très très peu, mais certains, oui. Vous pensez que la critique est valable ? À Paris, il y en a vraiment deux ou trois en qui j'ai confiance, pas plus. Deux ou trois sur 30, c'est pas lourd. Vous faites partie d'une école ? Pas du tout, non. Vous écrivez comment ? De quelle manière ? J'écris avec une machine à écrire, l'après-midi, généralement, et sans m'arrêter, généralement, pendant 3 mois, puis je m'arrête un peu, puis je repars. Vous raturez beaucoup ? Pas tellement, non. Vous revenez parfois sur ce que vous avez écrit ? Vous déchirez ? Au début, surtout. Au début, on déchire toujours, presque toujours, les 5 ou 6 premiers débuts, parce que c'est jamais ce qu'on veut. Puis une fois qu'on est lancé, on se dit tant pis, faut continuer. Est-ce que vous avez relu Bonjour Tristesse ? Non, pas depuis. J'ai dû le relire par hasard il y a 7-8 ans, je crois. Pourquoi ? Parce qu'il y avait que ça à lire dans un hôtel où j'étais. Pourquoi vous ne le relisez pas maintenant ? Parce que ça m'ennuie, je connais l'histoire, je l'ai lu. J'ai d'autres choses à lire quand même. Est-ce que vous estimez que c'était un très bon livre ? Non, je crois que c'était une très bonne dissertation française, très bien accomplie, par une élève de philo douée et assez maligne. Et c'est tout. Vous êtes astucieuse ? J'étais plus astucieuse à 18 ans que maintenant. Pourquoi ? Parce que j'aimais moins les livres, je crois. J'avais envie que ce livre soit lu, que les gens... d'attaquer, quoi. J'étais plus agressive que maintenant. Vous n'êtes plus agressive ? Non, beaucoup moins. Presque plus. C'était une époque où, véritablement, Françoise Sagan déchirait. Déchirait ? Attaquait. Non, j'attaquais pas vraiment les gens. Je voulais, effectivement, j'avais des idées à la Balzac. Quoi. Je voulais que les gens lisent mes livres. Je voulais aller vite en voiture, je voulais rouler avec des bateaux, je voulais faire la fête, je voulais absolument délibérément ce qu'on appelle la vie facile. Mais tout cela, c'est parce que vous avez pris de la maturité ou simplement des années ? Non, parce que j'ai connu la vie facile, je l'ai eue, et que je sais exactement ce que c'est. C'est beau la vie facile ? Ah oui, ça peut être absolument charmant. Sous la pluie, prendre le thé à minuit, passer l'été à Paris quand on s'aime. On peut se croire à New York, 5 heures du soir. 5 o'clock, ou dans un square de Bangkok. Quand on s'aime, on peut marcher sur la mer, danser autour de la terre, se balancer dans les airs. On peut tout faire quand on s'aime, quand on s'aime. Il varie tout le temps entre vos fixes et printemps. On peut voler de soleil en soleil, nuit et jour quand on s'aime. Oui, quand on s'aime. On peut marcher sous la pluie, prendre le thé à minuit, passer l'été à Paris quand on s'aime. peut se croire. On peut se croire à New York. À New York, 5 heures du soir. 5 heures du soir, 5 o'clock. 5 o'clock, ou dans un square. Ou dans un square de Bangkok. De Bangkok, quand on s'aime. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, on peut marcher à New York sous la pluie, prendre le thé, 5 heures du soir, 5 à minuit, passer l'été dans un square, à Bangkok, à Paris, quand on s'aime, se balancer, on peut marcher sur la terre, dans les airs, danser le tour, danser autour de la mer, de la mer. Vous avez des idées. Oui. S'il fallait les situer, elles seraient plutôt à gauche. Oui. Mais vous êtes pour une gauche bourgeoise bien installée, confortable. Non, pas du tout. Mais c'est le contraire. C'est plutôt pour... Je serais pour une gauche solide et nette s'il y avait des gens de gauche solides et nettes. Malheureusement, je ne connais pas tellement. Et un bon moment, c'était où j'ai vu une vraie gauche, c'était au moins la guerre d'Algérie, par exemple. Là, on a vu un peu des gens courageux et nets. Vous êtes une militante en politique ? Non, non, j'ai horreur des femmes militantes. Dans ce qu'on parle, je me suis bornée à signer ce manifeste. Puis, je ne sais pas, les flics sont venus, et puis j'ai été plastiquée, enfin des choses stupides. Mais il y avait entre les gens qui avaient fait ça des espèces de relations d'amitié, de chaleur que je n'ai pas revues depuis, qui étaient, j'imagine, les mêmes dans la résistance, qui étaient les mêmes. Quels sont les romanciers actuels que vous considérez un peu comme vos confrères ? Comme mes proches, je sais pas, comme admiration, j'ai des gens comme... j'aime beaucoup Sartre, par exemple. J'aime beaucoup certains romans de Marguerite Duras. Jean Cau, non ? Non. C'est radical, ça. Non, c'est pas radical. Je le trouve un garçon charmant, mais ce qu'il écrit ne m'a jamais fasciné. Mais dans votre œuvre, car on peut parler maintenant d'une œuvre, car c'est déjà... assez colossal. Colossal, oui. Assez, en si peu de temps. Quel est le roman que vous préférez ? Moi, c'est le dernier, bien entendu. C'est-à-dire celui que vous ferez demain ? Non, c'est un peu Soleil dans l'eau froide, c'est le dernier, forcément. Demandez ça à n'importe quel romancier, et il vous dira... Celui que je viens de faire ou celui que je ferai demain. Oui. Mais vous pensez avoir pris une nouvelle direction avec votre nouveau livre ? Vous savez, je crois qu'on ne prend pas de nouvelle direction comme ça. On est ce qu'on est, on écrit toujours la même musique comme on vous le reproche assez. Et puis voilà, on peut approfondir ces obsessions et faire des livres plus ou moins importants. Mais on ne peut pas changer brusquement. Je ne vais pas décrire les amours ou la passion d'un ouvrier ferronnier pour l'art de la ferronnerie. Je ne peux pas. Il y a une musique, Sagan, dans l'écriture. Pareil. Comment vous vous trouvez lorsque vous lisez ? Est-ce que vous lisez avec une grande facilité ? Je ne me lis pas, je me lis au fur et à mesure quand j'écris. Vous écrivez facilement ? Assez, relativement assez. Qu'est-ce que vous préférez ? Le roman ou le théâtre ? Je préfère le roman, de beaucoup. C'est beaucoup plus passionnant parce qu'il y a une liberté folle. Enfin, on peut parler justement d'un reflet de soleil pendant 4 pages, et après on peut parler d'une rencontre, on peut parler d'un visage, tout. Est-ce que vous êtes fier de vos échecs ? Ah oui, ça j'ai toujours assez aimé, les échecs. Pour vous, l'échec, c'était quoi? J'ai fait des fours superbes. Et violents parfois? Et violents parfois, c'est un four. Bonheur n'apparaît pas, c'est un four. Oui, mais on a de la tendresse pour les échecs lorsqu'on sait qu'à côté, on a merveilleusement réussi. Ah non, là, c'était sur le champ. J'étais pas enchantée parce que c'était embêtant pour un théâtre, mais il y a une espèce de... Quand c'est vraiment la grande fusillade, c'est assez amusant. Le cheval évanoui. Ah ben ça marchait bien. Oh là là. Je crois que c'est l'une des plus belles pièces que nous ayons vues à Paris. Je ne veux pas vous faire un compliment, puisque je parlais des violons parfois qui étaient un échec, mais ça ne veut pas dire qu'un échec soit une mauvaise chose. François Sagan, il fut un moment où on parlait de votre passage à la mise en scène de cinéma. Ah oui, c'était un producteur qui avait décidé qu'il fallait le choix du cinéma. Et comme je venais juste de sortir ma mise en scène de théâtre avec Bonheur n'appellerait pas, ce qui avait été une plaisanterie complète et catastrophique pour les autres, pour moi aussi d'ailleurs, j'ai même pas... C'était hors de question. Mais quelle est la pièce que vous mettriez en scène là? J'avais mis en scène Bonheur n'appellerait pas. Mais maintenant? Oh, rien du tout, j'ai une mise en scène, j'ai compris. Il faut l'autorité, il faut de la décision, il faut de la ponctualité, enfin, il faut des qualités que je n'ai en aucune manière. Vous êtes une femme d'autorité? Non, justement, absolument pas. Je suis incapable de dire à un taxi où je vais, alors vous rendez compte, dire à un acteur qui s'y connaît, mets-toi là, il dit ça comme ça. Est-ce que vous êtes une femme comme les autres? Non, il n'y a pas une femme comme une autre. Votre première vertu, je crois que c'est la timidité. Je ne suis pas tellement timide. La première vertu, si j'ai une vertu, ce serait la tolérance. Pour tout le monde? Pour oui, tout? À peu près, je crois. Vous êtes une bonne Française? Qu'est-ce que ça veut dire, une bonne Française? Je ne sais pas, j'attends la réponse. Je ne sais pas, je suis une femme assez gentille, je ne sais pas. Je ne suis pas française ou anglaise. Ou... Non, je m'attendais à une réponse, je suis ouverte à tous les bonheurs du monde. Il n'y a pas de France, il n'y a pas d'Hexagone. Je ne saurais rien dire, j'ai seulement des qualités spécifiquement françaises. J'ai été élevée à moitié en province, moitié à Paris. J'ai seulement un côté français très marqué. On est forcément influencé par son éducation, son milieu, etc. Vous avez un côté provincial? Non, j'ai toujours vécu à Paris. Car d'abord, il n'y a plus de province. Et oui, mais il n'y en a plus de province. Non, mais je veux dire, on dit toujours province et ça a l'air péjoratif. Je trouve ça parfaitement idiot, car nous sommes tous des provinciaux. Il reste une province, Dieu merci. C'est-à-dire la province, c'est le bonheur, quoi, c'est ça? Non, la province, c'est le repos. Alors, on va se reposer en écoutant Barbara Streisand. D'accord. Oh, my man, I love him so. He'll never know. The world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away? When I know I'll come back on my knees someday. For whatever my man is, I am his. Forevermore. Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just a spare, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. François Sagan, je crois que vous écrivez une nouvelle pièce. Oui. Les week-ends du passé. Non, les pique-niques du passé. Ah, au départ c'était les week-ends, non? Non, c'était les pique-niques. C'est très joli d'ailleurs. Oui. Et vous mettez en scène des personnes qui ont passé un certain âge. Oui, je mets en scène des gens qui ont passé leur jeunesse ensemble, en 35, à 20 ans, en Touraine. Et puis ils décident de retrouver leur jeunesse, parce que comme la mode était la jeunesse, ils veulent aussi se retrouver entre jeunes gens, même un peu fatigués. Et ils passent leurs vacances ensemble. Quelle est la moyenne d'âge? Je sais pas, faut calculer. 18 ans en 35, ça fait quoi maintenant? Ça fait... Moi, je suis née en 35, par exemple. Alors, j'ai 30, genre 34 ans, 34 et 18, ça fait 52. 52 ans, oui. François Sagan, qu'est-ce que vous pensez des jeunes? Des jeunes? J'aime beaucoup, moi. Mais si vous avez choisi de mettre des moins jeunes en scène, c'est peut-être parce que vous avez un peu opté pour une nouvelle génération? Ah non, absolument pas. Au contraire, c'est des gens qui recherchent leur jeunesse. Je suis un peu fatiguée, je dois l'avouer, par des histoires sur la jeunesse ceci, la jeunesse cela. Ça m'embête un peu, j'en ai un peu assez du point de vue purement des journaux. Les journaux m'agacent pour ça, parce que après tout, la jeunesse, c'est une période transitoire entre l'adolescence et la maturité. C'est pas une qualité en soi intrinsèque d'être jeune. Ça passe. C'est un passage. On est tous passés par là, et les enfants qui ont 4 ans, ils passeront dans 15 ans. Donc en soi, il y a des moments où ça me fatigue, l'histoire de la jeunesse. D'autre part, je dois bien admettre qu'à leur place, je râlerai aussi énormément. Comment vous jugez les jeunes d'aujourd'hui, leur période difficile? Je trouve qu'ils ont absolument raison de râler, d'essayer d'avoir un autre avenir que celui de leurs parents, parce que vivre entre la télévision, les week-ends en voiture, le confort matériel, moi je veux que leur place joue une peur bleue. Je me débattrai comme je peux. Vous êtes prête à les aider? Parfaitement, oui. Et vous seriez prête à aller vous installer sur une île déserte et à tout abandonner? Bon, je vois pas le rapport. C'est-à-dire pour quitter ce monde que vous trouvez un peu détestable? Oh non, moi ce monde, j'y suis parfaitement habituée. Je vous dis, dans la mesure où j'en ai les moyens, je peux y échapper. Je comprends très bien que des gens qui ont 20 ans ne veulent pas s'embrigader dans un système qui va en faire des vieillards avant l'âge. Qu'est-ce que c'est pour vous la campagne, François Sagan? C'est votre maison? La campagne, pour moi, c'est l'enfance. Et votre maison, c'est un retour à l'enfance? Ma maison, non, c'est une espèce de havre. C'est la seule chose qui soit à moi, que je serai mon fils plus tard. Je sais pas, c'est une espèce de maison qui fonctionne tant bien que mal. Puis il y a toujours plein de gens dedans. Pensez à l'avenir? Non, et jamais. Vous y pensez pour votre fils, quand même? Non, le pauvre chat, j'espère simplement que qu'il n'aura pas de bombe atomique sur la tête avant d'avoir vécu un peu, ce que j'espère. François Sagan, en regardant ce matin tous les articles qu'on a écrits sur vous, d'ailleurs, vous me disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas tellement les journaux. Cela veut-il dire que vous n'aimez pas du tout les journalistes? Non, ça n'a rien à voir. Les journalistes, il y en a de charmants. Les journaux, il y en a de plus ou moins bien. Il n'y en a pas beaucoup de très bons, il faut l'avouer. Je regardais donc, et je me suis aperçu qu'on avait dit des tas de choses, alors, prodigieusement gentilles à votre endroit. Émile Henriot, il fallait l'attendre à son second livre, le voici, un certain sourire, et il est parfait, nous n'avons qu'à rendre les armes devant la maîtrise, c'est Mademoiselle Radiguet. Eh oui. Ça vous fait plaisir, ça? Oui, ça m'a fait très plaisir à l'époque. Il est mort, le pauvre homme. Oui. Elle sera bientôt Colette. Optimisme. Benjamin Constant fait fille. Radiguet réincarné. Et alors là, c'est autre chose. Une écolière à donner au whisky. Ça vous fait moins plaisir? Complètement égal. Est-ce que c'est cette réputation du whisky, tout cela? Tout le monde boit du whisky, pourquoi vous avoir collé ça sur le dos? Parce que je sais pas, j'ai dû me parler un peu trop du whisky avant qu'il ne soit vraiment lancé sur le marché parisien, avant que le Common Market amène le whisky en France. J'en parle un peu dans tous les livres, j'imagine que ça a dû influencer les gens, les critiques. Une maison, nous en parlions tout à l'heure, c'est pour vous la stabilité ou plutôt une référence bourgeoise? Non, une maison, c'est un refuge. Quand on est trop fatigué de Paris, tout ça, on va tous à la campagne. Les volets battent qu'il y a un vent fou. Les chiens aboient. La caravane passe. Le temps passe. Vous êtes une romantique, dans le fond. Assez, oui. Petite fille, toujours? Non. Femme? Oui, beaucoup plus maintenant. J'ai plus l'âge de jouer les petites filles. C'est pas un jeu, de toute manière. C'est un tempérament. Oui, non, je l'ai pas. Vous êtes gay? Oui, très. Je suis très gay, sauf quand je réponds à des questions. Cela ne vous gêne pas que l'on vous parle toujours d'argent? Car on vous a parlé sans arrêt d'argent, de celui que vous aviez gagné, de celui que vous aviez perdu, de celui que vous allez pouvoir avoir. Ça m'est devenu complètement égal. Pour des vérités, on peut me parler n'importe quoi tant qu'on ne me parle pas de choses qui m'intéressent directement, comme qui m'intéresse vraiment, comme ou mon fils, ou les gens avec qui je vis, etc., le reste m'est indifférent. Je peux parler d'argent s'il le faut. Je suis complètement résignée. Mais cette indifférence, c'est de la lassitude? Non, c'est l'indifférence totale. François Sagan, êtes-vous un phénomène de la littérature? Ça, il faudrait en parler d'un point de vue sociologique. Je ne suis pas sociologue. Mais à votre endroit, qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, je pense que je suis quelqu'un qui aime bien qui adore les livres, et qui aime beaucoup écrire. J'aime ça. Lorsque vous êtes monté, comme l'on dit à Paris, enfin, monté à Paris, ça voulait dire sortir votre premier roman, vous étiez un peu Rastignac? Qui à 14-16 ans, qui écrit des livres, n'est pas... Tout le monde. N'est pas un peu Rastignac? Oui, j'étais un peu, bien sûr. Ça vous a marqué? Non, ça m'a passé illico. Parce que quand on reçoit le succès en pleine figure à 18 ans, il faut avoir des nerfs d'acier, vous savez. C'est un boom de recevoir le succès en pleine figure. Oui. Ça fait quoi? Ça fait... Mal? Ça fait plutôt mal, parce que ce qui vous frappe, c'est pas le succès, c'est pas les flashs, les photographes. Ce qui vous frappe, c'est les petits à côté, c'est les vacheries des journalistes, c'est les petits machins, c'est les... Toutes espèces de lits délicieuses qu'est le tout Paris, qui se révèle à vous. Ça vous fait un drôle d'effet quand on n'est pas habitué. Qu'est-ce que vous pensez, justement, du tout Paris? Enfin, ce mot stupide comme tout Paris. Je pense rien. Il y a des gens charmants dedans, il y a des gens très, très intelligents, il y a des crétins, il y a tout. C'est comme partout. Je n'aime pas les généralités. Je pense, vous dites souvent les journalistes, mais lorsque vous avez écrit votre premier roman et que tout le monde vous a sauté dessus, si l'on peut dire, c'était surtout vos confrères qui étaient jaloux. Les journalistes étaient simplement agacés. Non, il y avait tout, vous savez. Je ne me rappelle plus très bien, mais je m'en rappelle, il y avait vraiment de tout. C'était assez horrifié qu'on parle de moi comme d'un objet. On a parlé comme d'un objet? Pensiez-vous à ce moment-là représenter une certaine jeunesse? J'ai jamais pensé représenter quoi que ce soit d'autre que moi. Et vous, c'est quoi? Moi, c'est ce que je fais dans mes livres. Au fond, si on veut savoir ce que je suis, il faut lire mes livres. Vous vous intéressez au nouveau roman? Pas follement, non. Rob Grillet? Oui, Rob Grillet a du talent... Buteur a du talent, Nathalie Sarraute a du talent, mais c'est une forme de littérature qui me passionne moins que la littérature dite classique. Vous aimez la publicité? Pas du tout. Vous aimez qu'on parle de vous? Non. Mais lorsqu'on parle de vous, la chose sert vos livres. Oui. C'est bien pour ça que je suis là. Mais je suis ravi de vous accueillir. Il faudrait peut-être rappeler le titre de votre dernier livre. Un peu de soleil dans l'eau froide. Pour vous, ça sera un nouveau départ? Ou bien simplement un prolongement de déjà votre œuvre littéraire? C'est peut-être qu'un prolongement. Je ne vais pas renier que 5 ou 6 livres à cause d'un 8e. Vous croyez avoir répondu à tout? J'ai répondu comme j'ai pu à toutes vos questions, toujours. Est-ce qu'il y a des questions qui vous embarrassent? Quelles sont les questions? Vous m'avez dit tout à l'heure, c'est mon fils, ce sont mes amis. C'est pas les choses qui m'embarrassent, c'est les questions auxquelles je ne veux pas répondre. C'est les questions d'ordre privé. C'est votre jardin secret? Non, c'est ma vie privée. Il ne faut pas y toucher, là. Ah non, ça non. Alors, nous ne t'y toucherons pas. Je vous remercie, François Sagan.